Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, une émission virée sur le top. Je vous ai trouvé des trucs vraiment bizarres pour l'émission. Comme à l'habitude, ben, vous pouvez les télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez les télécharger de façon gratuite et légale. Vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger de la bonne musique sur le site de l'émission. On débute avec un peu de hip-hop palestinien avec Haykal. Je vous fais entendre la pièce Magda Anawin. Ensuite de ça, de l'Allemagne, de la ville de Munich, je vous fais entendre DJ Tomahawk. Avec un nom comme ça, ça peut juste être bon. C'est sa pièce Radio Zigan. Vous allez voir un peu musique balkan, musique gypsy. Assez intéressant. Donc on débute tout de suite Web Musique avec Haykal et sa pièce Magda Anawin. مش ضروري كل شي موزون 100% وتيز اسمع مش عارف اذا هو مخي لبس بغرم الرمادي بس هو المسؤول اني بقدر اتخيل اشرح فادي حضرة بطرة باجي نمط احلامي كوابيس خطر انساني خبر الثاني عشر لاوي النظر وتر ترجماني ترجمة العتمة مستحيل 100% الهوية ما بتزودك بنية بالمية الكلية مرتخية البكتيريا شغالة البطن بطرق وصف هستيريا فعالة حلاوة مع القهوة بتفرج على بروتوكول جدة لحد ما يصح في النوم نكتة ما فيش هون سكنة ميار كتير اعلى بهمش مين معنا مدفوف على الكل ويلكم هوم حبي صهيون رتبة رابعة بتطبع الراقل بتطبع الراحل والعاطل وقع عالضاية لطع المساقل جاب احسن من خزوق عثماني زنوب النازي بتفوت مكاوي بتدوق حمحاوي على المنتصف صح الشعب كن ضربك من المبتدا صح خلي الكوز ورقك على المنتصف صح الشعب كن ضربك من المبتدا راحت عليه الكوز ورقك على المنتصف صح الشعب كن ضربك من المبتدا صح خلي الكوز ورقك على المنتصف صح الشعب كن ضربك من المبتدا راحت عليه الكوز ورقك لا تطلع حفلة طلع الآية بالذهب وبشمها معنويا بطاطايس بطنيا تيوب سيسانيا مخ فالت نابت بديل بتفضل تكون التالت ولا الأخير مناخير كبيرة لدرجة بتحسها تعدت على خصوصيتك دير تشفير جسد لغزنيتك توزيع عبوديتك في مقادير مشوهة لقد تم خلع مواسير الفوضى أورد آية تم تطلى بواقع مختلف متقدم متخلف زوبعة لو سعى لحصى هكذا يقال مدرسين مجتمع تلامذة نضال تبقى كل شيء يؤذي لكنهم جهلوا ففعلوا ما فعلوا ملة ارتجلوا قتلوك زمان مع طفولتهم مرحلة أولى مرحبا بشوفك هون تاني مرة بدخلك في نبوئتهم هذا هو على المنتصف صح الشعب كن ضربك من المبتدا صح خلي الكوز برضك على المنتصف صح الشعب كن ضربك من المبتدا راحت عليه الكوز برضك على المنتصف صح الشعب كن ضربك من المبتدا صح خلي الكوز برضك على المنتصف صح الشعب كن ضربك من المبتدا راحت عليه الكوز برضك وبعد ما طلع من الحبس ومن المستشفى كان السؤال الرئيسي الموجه له كيف تتهم الناس بالكفر زنديق يس De la ville de Munich en Allemagne, c'était DJ Tomahawk avec sa pièce Radio Zigan. C'était précédé par un peu de hip-hop palestinien, c'était Haikal avec sa pièce Magda Awin. On va poursuivre avec un artiste de la ville de Montréal qui donne surtout dans les trames sonores de cinéma, de téléséries. C'est Cristobal Tapia de Vire. Je vous fais entendre la pièce Balls to the Walls. Je vais ajouter la vidéo qui est complètement débile. Je vais ajouter ça sur la page de l'émission. Ensuite de ça, après Cristobal Tapia, ça va être Tim Ismag avec la pièce de Matrix, un peu de drum and bass assez brutal. Tim Ismag qui nous vient de la Russie. Donc, ben c'est ça. Web Music se poursuit avec Cristobal Tapia de Vir. The collaboration. Oh, Ultra May. Brazil, finest. Come on. Oh. UK, Brazil. We'll be right back. ça vous a pas ramolli le cerveau, il y a absolument rien que je peux faire pour vous. Donc, vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On entendait tout juste Tim Ismag avec la pièce de Matrix. C'est un artiste qui nous vient de la Russie. Avant ça, de Montréal, c'était Cristobal Tapia de Vir. C'était la pièce Balls to the Walls. Comme je vous disais tantôt, je vais vous ajouter le vidéo sur la page. C'est vraiment tordant. On poursuit avec un artiste des Pays-Bas, c'est Rapper 058. La pièce s'intitule Hangover Baba. Vous allez voir, assez étrange que, comme pièce. Ensuite de ça, de Budapest en Hongrie, c'est Jutasi avec la pièce Bechodrome Tool à Wiesen. Vous allez voir, un drôle de duo de pièces. Donc on écoute Rapper 058 tout de suite à Web Music. Thank you. C'était Jutasi, un artiste qui nous vient de la ville de Budapest en Hongrie. C'était la pièce Bechodrom Tul a Vizen. Avant ça, des Pays-Bas, c'était Rapper 058 avec la pièce Hangover Baba. Une pièce complètement débile, vous avez pu le constater. Donc, c'est ça, je vous rappelle toujours de vous rendre au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Vous allez pouvoir télécharger donc toutes les pièces entendues à l'émission. Il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible. Si vous manquez des petits bouts, vous pouvez donc écouter Webmusique quand bon vous semble. Puis, c'est ça, j'ai toutes sortes de liens aussi qui ont rapport à la scène Net Audio. Donc, si ça vous intéresse, il y a toutes sortes d'informations assez intéressantes pour vous sur le site de l'émission. On va faire une courte pause, puis Webmusique vous revient tout de suite après. CKRL. The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. 89.1. So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again. Québec. Vendredi 19 octobre, 20h, c'est le lancement avec spectacle complet du premier album Red Magic de la formation électropop Beat Market. En première partie, Barton Fink. Vendredi 19 octobre, ouverture des portes 20h, 10$ à la porte. Au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec, une coproduction Menoum, CKRL et Beat Market Productions. Machine Gun Suzy, c'est 4 filles de Québec qui font du rock bien pesant. Lancement du premier album, jeudi le 25 octobre au Cercle, à 20h, 10$ à la porte. Machine Gun Suzy, on fait pas de la musique de filles. Machine Gun Suzy, jeudi 25 octobre au CERF, 228 Saint-Joseph-Est. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. De retour à Webmusique, vous êtes toujours avec Simon Roy, et ce, pour la prochaine demi-heure. Comme vous entendiez durant la pause, Machine Gun Suzy, lancement d'album donc le 25 octobre au Cercle. Je vous invite à venir faire un tour, ça risque d'arracher pas mal, donc venez le 25 octobre pour voir Machine Gun Suzy. On va poursuivre donc avec un artiste de la Croatie, cette fois-ci c'est Shoku. Je vous fais entendre la pièce Cold Summer, c'est publié sur l'étiquette française Pavilion 36 Recordings. C'est tiré de leur compilation Circuit imprimé Volume 1. Donc une compilation vraiment intéressante, tout ce que fait Pavilion 36 Recordings, c'est toujours bon, il y a toujours des artistes surprenants à proposer. Donc je vous invite à télécharger la compilation, ça vaut vraiment la peine. Donc après Shoku, on va entendre Shoku, est-ce qu'il était sur Pavilion? Je vais vérifier. Non, il était sur Krishloff Organization, un autre excellent net label. C'est la pièce d'après qui est sur Pavilion 36 Recordings. C'est donc Bad Matter, un artiste de la ville de Berlin. Sa pièce s'intitule Soul on Fire. Donc on écoute ça tout de suite après Shoku, qui est publié, comme je vous disais, sur Krishloff Organizations. Thank you.

drum and bass assez badass, vraiment fâché. C'était Bad Matter, un artiste de la ville de Berlin en Allemagne. C'était sa pièce Soul on Fire, publiée sur Pavilion 36 Recording. C'était tiré de leur compilation Circuit imprimé volume 1, donc une excellente compilation de l'étiquette. Il y a le volume 2 qui s'en vient très bientôt, donc j'ai bien hâte de pouvoir le télécharger. Avant ça, ben, c'était de la Croatie, c'était Choku avec la pièce Cold Summer. Ça, c'était publié sur l'étiquette allemande Kreschloff Organization. On poursuit avec donc un artiste français du nom de Bouakanja. C'est publié sur Salt Hive Community, un nouveau net label qui est né, je crois, au mois de septembre. Donc, on va suivre qu'est-ce qu'ils ont à proposer dans l'avenir. Donc, je vous fais entendre la pièce Terre, le cosmos de Bouakanja. Ensuite de ça, sur Digital Diamonds, un Allemand du nom de Point, je vous fais entendre la pièce Light in the Sky. Vous allez voir, vraiment bon. Donc, ben c'est ça, on écoute Bouakanja à Web Music. Excuse me, Mr. DJ. peu de techno minimal vraiment sympathique. C'était Point, un Allemand, avec sa pièce Light in the City. C'était publié sur Digital Diamonds. Pour la suite de Web Music, je vous propose Prototype 68. C'est un alias de Mr. Moods, un artiste de la ville de Laval, tout juste à côté de Montréal. Je vous fais entendre la pièce Evil Love, donc c'est tiré de son album Bleeding Eyes, un peu de hip-hop à saveur film d'horreur, donc publié sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. On écoute Prototype 68 tout de suite à Web Music. Too much. C'était Prototype 68 avec la pièce Evil Love. C'était donc publié sur Dusted Wax Kingdom. C'était tiré de l'album Bleeding Eyes. Il y a la croche-oreille qui suit tout de suite après, donc on se laisse là-dessus. Bonne soirée. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le 18 octobre prochain, préparez-vous à entrer dans l'univers du rock progressif de Emerson, Lake & Palmer avec le groupe Turkus Live. Venez faire l'expérience live sur scène des albums Pictures at an Exhibition et de l'album Brain Salad Surgery. Du ELP avec des vrais instruments de l'époque. Le 18 octobre au Centre d'art La Chapelle, billets sur billettech, turkuslive.com. Avidjam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeux, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de systèmes de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. Avidjam. Venez changer vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avidjam.com. Machine Gun Suzy, c'est 4 filles de Québec qui font du rock bien pesant. Lancement du premier album, jeudi le 25 octobre au Cercle, à 20h, du Piazza à la Porte. Machine Gun Suzy, on fait pas de la musique de filles. Machine Gun Suzy, jeudi 25 octobre au Cercle. 228 Saint-Joseph-Est. Grand studio tout équipé, incluant micro, console de son, casque d'écoute et tapis mur à mur, cherche homme ou femme pour animer une ou plusieurs après-midi d'automne. Demandez Tania au 418 640 2575, poste 210. Libre immédiatement. CKRL est là juste pour toi. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, 12 tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.